sur un fond de nostalgie. Ouais, ouais, yeah, comme ça que ça se passe. Sur un fond de son tranquille, il y a toujours une vibe qui te prend à tes trucs qui te sautent. Ouais, un truc qui reste, c'est ça qui reste. La bonne vibration, un truc qui te reste, quoi. Yeah. Les sons qui font effet, la première minute, la dixième, ils sont. Yeah. Non, non, crois pas que je suis triste, c'est même plutôt le contraire. Je sais que ce que tu retiens, c'est une bonne vibe, mon frère. Un son sérieux comme quand tu parles à ta go. Un son qui te met bien, même si t'as pas pécho. Ton BDO t'attise, même si ce soir tu baisses pas. Ce soir t'as pas envie de sortir, reste tranquille, reste là. Ou bien même si tu sors, t'as pas envie de faire le con, alors quoi. Même mon son, ça change de Badou, Bocus, Bocus. Si tu te balades en caisse ou galère, même dans un bus. Reste play, et là ça commence à aller. Les idées négatives commencent à s'en aller. Dans ce genre d'ambiance, tu peux même te rappeler. Et aussi l'avenir, tu peux l'imaginer. Au présent, on prend le temps de faire les choses carrées. Ouais, mais quand c'est l'heure de se poser, faut être posé. Toute la journée, faire les excités, à un moment, faut doser. Je fais un beat, je joue une basse. Ça me fait penser à quand les matinées sont grasses. J'avoue, il est 4h du matin. Tard le soir ou tôt le matin, souvent c'est là que ça me vient. Loin du score, du stress. Dans mon décor, le vibe-ness. Loin du formatage. Mon imagination me fournit un tas d'images. Rassemble tout, rassemble comme un collage. De situations, de faits, de visages. Un modelage. Je fais en sorte que tout ça ne soit pas qu'un mirage. Je me force pas à être créatif, crée l'ambiance pour que ça sorte. Au quotidien, je vis la différence, donc la rage n'est pas morte. Donc aucune envie d'enfoncer des portes ouvertes. De me fondre dans un moule et de me dire que tout est cool. Bouge avec la sphère, tu pars à la découverte. Sur celui-là, je parle pas de cul, je ne parle pas de maille. Pas non plus de crime, pas d'histoire de love à deux balles. Sur celui-là, je m'éloigne des ondes FM. Retourner à l'usine, ce soir j'ai la flemme. Allume ton poste, tu tombes, malgré toi dans la matrice. Comme plein de gamins, tu rêves d'avoir la hype. Ton million de dollars, être comme dans les clips. Clip de merde, ouais, fier de merde. Casse les couilles, ça tourne en rond sur un périmètre réduit. La sphère, un produit sans code barre, tu déduis. Pas de compte à rendre, ni personne à séduire. Mis à part nous-mêmes, personne n'a rien à dire. Se voir sur la place, entre ceux qui font peu et ceux qui cassent. On observe ceux qui restent et ceux qui passent.